s'incline, l'océan rugit devant le Seigneur. Loué Adonai, du lever du soleil jusqu'à la fin du jour. Loué Adonai, toutes les nations du monde, tous les anges et tous les saints te louent. Qui est semblable au lion, à l'agneau, assis sur le trône? Les monts s'inclinent, l'océan rugit devant le Seigneur.